aujourd'hui au Palmarès C'est fou. Pendant que je vais être en train de me faire manger par un ours dans le nord du Québec, Mathieu vous présente un condensé de la meilleure musique que C'est fou a à vous offrir. On a de nouvelles entrées de Marcy Playground, The Rural Alberta Advantage et Chinatown. Et on saura si nos numéros 1 sont toujours Civil and the Majestics et Elephantine. Les Palmarès C'est fou, ce soir, 17h.